Bwana apate kumibariki. Le Seigneur vous bénisse. Ndoko Pascal yuko katikati yetu. Le frère Pascal est parmi nous. Bangapi wanamkumbuka ndoko Pascal? Combien sont ceux-là qui se souviennent de lui? Eyo. Eti mko mfurahi kumpokea langu msalimia mtume Bwana Yesu Kristo. Na sikia ile salio na Seigneur Jesus Christ. Ndoko karibu sana. Approche. Je vous salue tous ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nami salimia nini wote mangaribi ya leo mujina Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Recevez aussi les salutations de frères et sœurs de Kalemi. Mupogete na masalamu ya banduku na badada ba Kalemi. Les frères et sœurs de Kolwezi. Banduku na badada ba Kolwezi. De Fungurume. Ba Kufungurume. De Kakanda. Ba Kukakanda. De Mulungwish. Ba Mulungwish. Tous m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Wote baniambia nimisalimie mujina ya Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse aussi pour le grand travail. Mungu amibariki tena juu ya kazi munene. Et qu'il vous bénisse de manière visible. Na amibariki munamna ya kuonekana. Et qu'il bénisse aussi les administrateurs. Abariki tena na bazamini. On était dans un petit trick. Mulikuwa mkakitu kamwa kadogo. Sasa hapa tunakuwa mumaskani mkanisa mzuri mkubwa. Nous sommes dans la joie. Na tuko katika furaha. Sans beaucoup tarder, nous allons nous lever. Bila ugawia tutasimama. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 1. Tafungula mabiblia yetu mu Yohane sura ya kwanza. Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza. À partir du verset 35. Kwanzia msari ya makumi tatu na tano. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Kesho yake, Yohane alikuwa pale pamoja na wanafunzi wake wawili. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit. Kisha kumuona Yesu mukupita akasema. Voilà l'agneau de Dieu. Tazameni mwana kondoo wa Mungu. Le deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Wale wanafunzi wawili kisha kusikia maneno haya wakamfuata Yesu. Gloire, gloire, gloire. Nous te louons, tunakusifu, te levons, tunakunyanyua, t'adorons, tunakuabudu, car tu es digne. Kwani unaistahili. Nous nous étions perdus, Tulikuwa wenye kupotea. Et toi, tu nous as sauvés. Walakini wewe ulituokoa. Tu nous as ramenés à toi. Uliturudisha kwako. Tu nous as réconciliés. Ulitupatanisha. Que ton nom soit élevé à jamais. Jina lako linyanyuliwe milele. Nous sommes venus ce soir pour t'adorer. Tulikuja mangaribi ya leo juu ya kuabudu. Nous sommes venus ce soir pour écouter ta parole. Tulikuja mangaribi ya leo juu ya kusikiliza neno lako. Nous sommes venus Père pour te présenter nos requêtes. Tulikuja baba juu ya kuonesha mahitaji yetu. Et rentrer avec la réponse. Na kurudi na jibu. Accepte de te manifester au milieu de nous. Witikie uonekane katikati yetu. Parle-nous. Useme nasi. Console-nous. Utufariji. Réponds-nous. Utujibie. Résous nos problèmes. Ulete jibu ku mambo zetu. Guéris les malades. Uponye wagonjwa. Et fais en sorte que quiconque venu ici. Ufanye mnamna yeyote alikuja hapa. Ou quiconque achète des mégas pour suivre la prédication. Wala yeyote aruza ma méga jua kufata maubiri. Qu'il ne les regrette pas. Achipate kuyuzunika. Et qu'il reçoive quelque chose venant de toi. Nous sommes convaincus que tu le feras. Car nous avons prié. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de notre Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons un petit sujet intitulé Convaincu et concerné. Mwenye kwa kijishiwa na mambo yenye kumwelekea. Ili le lendemain j'ai été encore là. Nasema kesho yake Yohane alikuwa ngaliki pale. Mais avant d'y arriver voyons le témoignage des gens. Mbele ya kufika kutuone kwanza ushuda ya Yohane. Au verset il dit, au commencement était la parole. Mstari ya kwanza inasema kumwanzo ilikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno ilikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa kumwanzo pamoja na Mungu. Toutes choses ont été faites par elle. Vitu vyote viliumbiwa na neno. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hakuna kitu hata kimoja kiliumbiwa bila neno. Bien aimés frères et sœurs, bapendwa banduku na bapenda, toutes choses, vitu vyote, ont été faits, viliumbiwa, par la parole, na neno. Tout ce que vous voyez, ile vyote muku naona, rien de ce qui a été fait, hakuna hata kimoja kiliumbiwa, n'a été fait sans la parole, bila neno. La parole a appelé tout à l'existence. Neno ilita bitu byote bikuwe. Dieu a tout créé par la parole. Mungu aliumba bitu byote kupitia neno. C'est pour cela que l'honneur est pour vous qui croyez la parole. Kwa maana heshima ni yenu mwenye benye kuamini neno. Lorsque vous croyez la parole. Wakati ile mnaamini neno. Vous la mettez en pratique. Na kuitumikia. Même notre foi. Hata imani yetu. Vient de la parole. Inatokea muneno. Que vous avez une promesse de la parole de Dieu. Croyez seulement que ça arrivera. Uamini tu ya kwamba itatimilika. Tout ce que Dieu a promis. Yeyote Mungu alilaka. Arrivera comme Dieu l'a promis. Itafika paka vile Mungu alilaka. Toi ne raisonne pas. Mungu yeye ashifikiri. Toi ne raisonne pas. Wewe usifikiri. Je te demande pas ça va arriver comment. Usianze kujiuliza uliza itafika namna gani. Wewe mwenye kuwa mwaminifu. Mwamini tu. Etilevera. Na utaiona kutimilika. Alel. Nani ya neno. Ete la vi. Mulikuwa buzima. E la vi. Na buzima. Ete la lumière des hommes. Ilikuwa nuru ya watu. Dans la parole, il y a la vie. Dani ya neno, muku buzima. Dans les interprétations. Dani ya matafsili. Il y a la mort. Muko lufu. Dans la désobéissance. Dani ya mukutokuti. Il y a la mort. Muko lufu. Dans la négligence. Dani ya kusula. Il y a la mort. Muko lufu. Mais dans la parole. Lakini ndani ya neno la Mungu. Il y a la vie. Muko buzima. Loin de la parole. Inje ya neno. Loin de la vie. Inje ya buzima. C'est pour cela que même les diables, pour séduire les gens, il ne fait pas beaucoup de gymnastique. Les diables, pour réussir les gens, ils les amènent loin de la parole. Quand vous êtes loin de la parole, Satan ne peut plus vous déranger. Il vous a déjà eu. Il va vous laisser et vous suivre celui qui est dans la parole. Na fuate ule kondani ya neno. C'est dans la parole qui a la vie. Ni ndani ya neno njo muko buzima. Notre vie dépend de la parole de Dieu. Buzima mwetu munatokea ni muneno. Nous devons écouter la parole. Unapashi usikiliza. La recevoir. Uipoke. L'admirer. Uitamani. Et la mettre en pratique. Na kuitumikia. En elle était la vie. Ndani ya neno mulikuwa buzima. Et la vie était la lumière des hommes. Na buzima ilikuwa ni nuru ya watu. La lumière luit dans les ténèbres. Nuru inaangaza magiza. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Na magiza haikuipokee. Il y a un homme envoyé de Dieu. Kulikuwa mtu mmoja mwenye kutumwa na Mungu. Son nom était Jean. Jina lake alikuwa ni Yohane. J'aime ce témoignage. Napenda sana hii ushuhuda. La Bible dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Biblia nasema kulikuwa mtu mmoja alitumwa na Mungu. Alors c'est qui qu'on est envoyé de Dieu? Kwa yeyote yule anatumwa na Mungu. Il prêche les paroles de Dieu. Eko na ubiri neno la Mungu. Qui qu'on est envoyé par Dieu? Yeyote yule anatumwa na Mungu. Il ne fait pas sa propre volonté. Atafanya kama mapenzi yake. C'est la volonté de Dieu. Alakina atafanya mapenzi ya Mungu. Même toi frère. Hata wewe ndugu. Tu dois être né de Dieu. Unapaswa kuzaliwa toka Mungu. Né de sa parole. Mwenye kuzaliwa kuneno lake. Et à cela tu auras la possibilité. Kwa ile utakuwa na namna. De vivre sa parole. Ya kuishi neno lake. Quiconque est envoyé de Dieu. Yote ule anatumwa na Mungu. Cherche la gloire de Dieu. Eko natafuta utukufu ya Mungu. Élève Dieu. Eko namnyanyua. Honore Dieu. Anamheshimu Mungu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Ulikuwa mtu mmoja mwenye kutumwa na Mungu. Pas envoyé de l'église. Hapana mwenye kutumwa na kanisa. Pas envoyé des hommes. Hapana mwenye kutumwa na Pas envoyé des séminaires. Hapana mwenye kutumwa na Pas envoyé de la théologie. Hapana mwenye kutumwa na théologie. Envoyé de Dieu. Mwenye kutumwa na Mungu. C'est une grâce. Ini nema. De recevoir un homme envoyé de Dieu. Ya kupokea mtu mwenye kutumwa na Mungu. Vous ne pouvez pas le regretter. Amwezi kuiuzika. Et vous recevez un homme qui s'est envoyé. Kama unapokea mtu la Mungu. Kama vous recevez un homme envoyé par la famine. Kama unapokea mtu mwenye kutumwa na jamaa mutateseka. Mais il faut recevoir un homme envoyé de Dieu. Inapaswa kupokea mtu mwenye kutumwa na Mungu. Il vient pour servir de témoin. Akakuja juu ya kusaidiwa sawa ushuda. Pour rendre témoignage à la lumière. Juu ya kushuhudia nuru. Afin que tous crient par lui. Ili bote wapate kuamini kupitia yeye. Lui il vient. Yeye alikuja. Pour servir de témoin. Juu ya kusaidiwa sawa ushuda. Pour rendre témoignage à la lumière. Juu ya kushuhudia nuru. Afin que quiconque l'entendra, ili yeyote atamsikia, croie, apate kuamini, par lui, kupitia yeye. Il n'était pas la lumière, yeye asiukue nuru, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alakini alionekana juu ya kushuhudia nuru. Cette lumière, hii nuru, était la véritable lumière. Ilikuwa nuru ya kweli. Que nani? En venant dans le monde, kuja mudunia, éclaire tout homme. Nikunangazia mutu wote. Cette lumière, inuru, était la véritable lumière. Ilikuwa nuru ya kweli. Qui? Ile. En venant dans le monde, kuja mudunia, éclaire tout homme. Nikunangazia mutu wote. Si toi tu n'es pas éclairé, kama wewe uangaziwe, c'est toi le fautif. Wewe ndio mkosai. Mais quiconque vient à la lumière, lakini yeyote anakuja kunuru, il est éclairé. Anangaziwa, éclairé par la lumière. Mwenye kuangaziwa na nuru. Et cette lumière là, na ile nuru ile, pour t'éclairer, jua kuangazia, elle ne regarde pas ton niveau de ti. Ayangalie kimo wa masomo yako hapana. Elle ne regarde pas ton âge. Ayangalie umri yako ya miaka. Elle regarde la disposition de ton cœur. Ni kuangalia tu tayarisho ya moyo wako. Est-ce que dans ton cœur, dans ton âme, yako, il y a la foi ou l'incrédulité? Muko imani wala kutokuwa nini? Si c'est la foi, kama ni imani, tu seras éclairé. Utangaziwa. Et cet éclaircissement-là, ikuangaziwa, c'est sur tout le point de la vie. Ni kumanukta yote ya maisha, ya les autres peuvent être embrouillés. Bengine wanaweza kufurushwa. Les autres peuvent se compliquer. Bengine wanaweza kufurushwa. Les autres peuvent se tromper. Bengine wanaweza kudanganyika. Mais ceux qui ont la lumière, benye kuwa na nuru, ils sont éclairés. Wanangaziwa. Et non seulement ils sont éclairés, aina benye kuangaziwa bure tu, et aussi deviennent la lumière. Nabao pia banakuwa nuru. Est-ce que vous comprenez ces choses? Eti munaelewa maneno haya. Ils sont éclairés par la véritable lumière. Wanaangaziwa na nuru ya kweli. Mais eux aussi deviennent la lumière. Nabao pia banakuwa nuru. Lisons dans Matthieu chapitre 5. On va y revenir. Matthieu chapitre 5. Matthieu sura ya 5. Verset 13, il dit. Mustari ya 13. Vous êtes le sel de la terre. Mwe muko chumvi ya dunia. Mais si le sel perd sa saveur, kama chumvi kipoteza avec quoi la lui rendra-t-on? Utamurudishia na nini? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Utasaidiwa tu ni kuitupa nje. Et foulé aux pieds par les hommes. Abapate kuikanyanga kumiguu kwa watu. Vous êtes la lumière du monde. Mwe ni nuru ya ulimwengu. Sir, dada, tu n'es pas n'importe qui. Auna mutu ote ote. Frère, nduku, tu n'es pas n'importe qui. Auna mutu ote ote. Dieu dit, Mungu anasema, vous êtes la lumière, muko nuru du monde. Ya ulimwengu. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mujenye kuyengwa pa mulima yesi kama kufika. Et on allume pas une lampe pour la mettre sous le bois. Awawakisha ke tajwa kuweka. Mais on la met sur le chandelier. Alakini beko naiweka ni pakinama. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Na itangazia bote banapatikana munyumba. Que votre lumière, nuru yenu basi, luise ainsi. Ipate kuangaza muinamna devant les hommes, mbele ya watu, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, ili bapate kuona matendo mema, et qu'ils glorifient votre père qui est dans le ciel, ili wapate kumtukuza baba yenu mwenye kwa kumbingu. Est-ce que c'est clair? Eti kuwazi. Que votre lumière, nuru yenu, vous avez reçu la lumière. Mulipokea nuru. Vous devenez la lumière. Munakuwa nuru. Et que votre lumière, nuru yenu ile, luise, ipate kuangaza devant tous les hommes, mbele ya batu bote, afin que ili, ils voient, bapate kuona, ils voient, bapate kuona vos bonnes œuvres, matendo yenu mema. Est-ce que vous êtes là? Et pas qu'ils entendent vos bonnes paroles. Qu'ils voient. Kuona. Nos œuvres parlent plus fort que nos bouches. Matendo yetu kunasema sana kushindia binywa yetu. Et les hommes sont déjà fatigués des paroles. Na batu banesha choka na misemo. Il faut qu'ils voient maintenant les œuvres. Inapasha sasa baone matendo. Quand on cherche Jésus, wakani wanatafuta Yesu. On doit le voir en toi. Wakati wanamtafuta Yesu bamuone ndani yako. Quand on cherche les chrétiens, wakati wanatafuta Bakristo, wanapasha kubaona hapa. Quand on cherche les responsables, wakati wanatafuta benye bwana Mkristo. Mheshimiwa, mheshimiwa, wanapasha kubapata hapa. Nous avons une grande responsabilité. Tuko na buzito mkubwa. Que votre lumière, nuru yenu, est-ce que vous saisissez? Eti munashika. Que votre lumière, nuru yenu ile, luise, ipate kuangaza devant tous les hommes, mbele ya batu bote. Alors, venez ici, nous ne venons pas pour rien. Atukui hapa kwa bure. Quand nous venons à l'église, wakati tunakuja kanisa, nous venons pour nous améliorer. Tunakuja juu tutengamane. Nous venons pour être des meilleurs voisins. Tunakuja juu tukue majirani bazuri. Quand nous venons ici, wakati tunakuja, nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Ah, tutasamba juu ya nini tunakuja. Nous rentrons meilleurs. Tutasamba musu. Si y a des meilleurs voisins à Kambove, kama kuwa majirani bazuri mukambove, c'est vous et moi. Ni mweye na mie. Si toi tu n'es pas meilleur, kama wa una mzuri, c'est une grande déception. Ni kukosewa kubaya. Une déception terrible. Kukosewa kunene kubaya sana. Puisque en dehors de toi, ani nje yako wewe, qui sera meilleur? Nani ule atakuwa tena mzuri? Qui sera bon? Nani ule atakuwa mwema? Frère, nous devons écrire les témoignages. Tunapaswa kuandika maushuda. Laissez les témoignages sur la terre. Wacha maushuda pa dunia. Puisque nous, sisi, nous avons vu les véritables miracles. Tuliona muujiza ya kweli. Est-ce que vous connaissez un grand miracle? Munajua muujiza munene. Un miracle qu'aucune dénomination ne peut jamais opérer. Muujiza ile zewe hayezi kutenda. Un miracle qu'aucune religion ne peut pas opérer. Muujiza ile hakuna zewe hata mwacha tenda. Eti munaijua? Le plus grand miracle. Muujiza munene kabisa. Quand Dieu descend au milieu de nous. Wakati Mungu anashuka katikati yetu. Il prend une prostituée. Anamchukua kabaka. Qui était connu de tous les hommes. Ila alijulikana na wanaume wote. Anamubadilisha. Anakuwa mtakatifu. Ça aucun homme ne peut le faire. Il hakuna mtu hata mwana hawezi kuifanya. C'est réservé à Dieu seul. Inamchungiwa tu Mungu peke yake. Muujiza mkubwa. C'est quand Dieu te prend toi. Wakati Mungu anakuchukua wewe. Mulevi. Soulage. Mulevi kabisa. Wewe unajulikana na watu wote. Anakushika. Avec sa parole puissante. Na neno lake la uwezo. La puissance de transformation. Na uwezo wa kubadilisha. Il te transforme. Anakubadilisha. Les autres histoires ici qu'on appelle miracle. Ibi ingile bantu beko naita ma miujiza. Nous ce sont nos escortes. Sisi ni bile bina tusindikiza. Ces autres histoires là. Bile bitu ingine bile. Ce sont nos escortes. Ni bile bina tuchunga. Mais nous avons un grand miracle. Alakini sisi tu una miujiza munene. C'est la transformation. Ni kubadirika, kubadirishwa. Moi tu mante, tu ne mens plus. Ulikuwa na longofi au longofi tena. Moi tu ne vole plus. Ulikuwa na iba, uibe tena. Moi tu triche, tu ne triche. Ulikuwa na ibia uibie tena. Ulikuwa na singizia usingizie tena. Hii ni muujiza mkubwa. Ni Mungu nje kuna itenda ndani yetu. Ni vitu vingine hivi. Bila tusindikiza tu. Wasile sinye ki accompagnero. Kazameni maalama itasindikiza. Wale wataamini. Watu wanesha badilishwa. Watu wanesha badilishwa. Wanesha onja kumuujiza. Signe qui les accompagne. Kuma alama itabasindikiza. On ne les recherche pas. Atuvitafutake. Et nous ne mettons pas l'accent sur ça. Atuweka tamu mukazisho. Signe ça nous accompagne. Wani binatusindikiza. Et nous les voyons. Natukuna biona. Et nous témoignons. Natukuna shudia. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa iko hapa. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa iko hapa. Nous sommes convaincus de ces choses. Tunakikichiwa na hivi vitu. Ah, je vais venir. Je vais revenir sur Jean 1. Allons à Romains 12. Tu es de quoi, mon Yohane? Romains 12. Je vous exhorte donc, frère. Nami subuti shabasi banduku. Par les compassions de Dieu. Kupitia boluma ya Mungu. À offrir vos corps. Mpate kutoa mili yenu. Comme un sacrifice vivant. Sawa sadaka yenye wa ai. Saint. Takatifu, agréable à Dieu. Ya kumpendeza Mungu. Ce qui sera de votre part. Ile njoo itakuwa kwa upande wenu. Un culte. Ibada. Raisonnable. Na mafikiri mzuri. Je vous exhorte. Na misubutisha. À offrir vos corps. Mpate kutoa mili zenu. Ma sœur, dada yangu, ton corps, mwili yako, c'est le temple de l'Esprit Saint. Ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ne laisse pas le diable l'utiliser. Siache shetani kuitumia. Ne permet pas au diable d'utiliser ta langue. Usiruhusu shetani atumie ulimi yako. Que ta langue soit consacrée à Dieu. Ulimi yako ipate yenye kuatolewa Mungu. Même les yeux de Job étaient sanctifiés. Hata macho ya Job. Ya Yobu, même le yeux de Job. Hata macho ya Yobu. Était consacré à Dieu. Kwenye kumtolewa Mungu. Job dit. Yobu anasema. Je n'ai jamais arrêté. fixé mes yeux. Je simamisha kaka mwe macho yangu. Pour regarder. Jua kuangalia. Et convoiter une vierge. Na kutamani bikira. Frère, Nduku. C'est grave ça. Ni hatari. Même nos yeux. Hata macho yetu. Nos oreilles. Masikio yetu. Nos bouches. Binyo yetu. Nos mains. Mikono yetu. Consacré à Dieu. Yenye kumtolea Mungu. Et ça ne doit pas être des paroles seulement. C'est une vie. Maisha. Une expérience de tous les jours. Consacrée à Dieu. Yenye Mungu. À offrir vos corps. Mili comme un sacrifice. Sawa sadaka. Vivant. Aïe. Saint. Takatifu. Agréable à Dieu. Ya kumpendeza Mungu. Dieu veut ton corps. Mungu anahitaji mwili yako. Donne-le-lui. Umupatie yu. Dieu veut tes yeux. Mungu anahitaji macho yako. Dieu veut tes mains. Anahitaji mikono yako. Dieu veut ta bouche. Anahitaji kinywa yako. Dieu veut tes pieds. Mungu anahitaji miguu zako. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mushambatane na dunia ya sasa. Mais, alakini, soyez transformés. Mubadirishwe. Par le renouvellement de l'intelligence. Kupitia ufani wa upya wa akili. Afin que vous discerniez. Ili mupate kutambua. Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu iku wapi? Ce qui est bon. Yenye kwa agréable. Na ya kupendeza. Et parfait. Na kamilifu. Est-ce que vous écoutez ça? Eti munaisikia? Afin que vous discerniez. Ili mupate kutambua. Dans tout ce que tu fais. Mwile yote unafanya. Dans tout ce que tu dis. Mwile yote unasema. Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu iku wapi? Et Thessalonica. Wa Thessalonica wa kwanza. Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu iku wapi? Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu iku wapi? Quelle est la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu iku wapi? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Wa Thessalonika wa kwanza sura yake ya 1. Verset 1. Musare ya kwanza. Oh, reste frère. Wa ile nabaki wa ndugu. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Na wavile mujifunza kwetu namna kani ya kujongoza. Et plaire à Dieu. Na kumpendeza Mungu. Et que cela c'est que vous faites. Na njo ile Mungu nafanya. Nous vous prions. Tunamisi. Et nous vous conjurons. Tunamisi kabisa. Au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, namuna, de progrès, maendeleo, sans progrès. Julia maendeleo ingine. Est-ce que vous écoutez? Eti munaisikia? C'est ce que vous faites. Na njo ile Mungu nafanya. Vous connaissez comment vous devez vous conduire. Unajua namna kani ya kujongoza. Comment plaire à Dieu. Namna ya kumpendeza Mungu. Comment lui être agréable. Namna ya kumpendeza Mungu. Ne vous arrêtez pas par là. Lakini musisimamie pale. Ne dites pas que me suis sanctifié. Usiseme. Na nijitaka sa jana inaenea juu ya jana. Je suis sauvé sanctifié. Naisha okoleo kuna malizika. Nous vous exhortons. Tunamisubutisha. A marcher à cet égard. Mutembee mwile namna. Le progrès. Maendeleo. Sans progrès. Yulu ya maendeleo ingine. Église. Kanisa. Des progrès. Maendeleo. Sans progrès. Yulu ya maendeleo ingine. Des progrès. Mu maendeleo. Sans progrès. Yulu ya maendeleo ingine. Jusqu'à ce que toi tu te regardes. Ufika na palo tajiangalia. Tu prends la parole. Unachugua neno. Tu regardes. Unayangalia. Tu dis. Unasema. En tout cas. Akika. Moi je vivais. Mimi nalikuwa naishi. Mais aujourd'hui. Sasa hapa sasa. Ce n'est plus moi qui. Aina tena mimi niko naishi. C'est Christ qui vit sa vie à moi. Na kwani Kristo yuko naishi maisha yake ndani yangu. Ni Kristo parola moi. Ni Kristo yuko naishi neno lake ndani yangu. Tout le monde doit voir que ce témoignage là est vrai. Na watu wote wanapaswa kuona kwamba ile ushuhuda ni ya kweli. Même ceux qui ne croient pas. Hata wale hawaamini. Même ceux qui n'adorent pas avec nous. Hata wale hawaabudu pamoja nasi. Ni te regarde. Wakati bana kuangalia. No. Hapana, il n'est pas comme tout le monde. Huyu mtu ana sabato bote. De progrès en progrès. Maendeleo yulu ya maendeleo ingine. Amen. Amina. Vous savez en effet. Munajua kwa kuwa. Quel précepte agizo gani vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ile tulimpatia kwa upande wa Bwana Yesu. Ce que Dieu veut. Kile Mungu anataka. Sa volonté. Mapenzi yake. Ce que Dieu veut. Mapenzi ya Mungu. C'est votre sanctification. purification. Ni utakaso yenu. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ya kwamba mujizuize na buzinifu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Ili kila mmoja wenu ajue kushika l'honnêteté. Ayue kushika mwili yake mutakatifu na muwa. Et vous convaincu que c'est ça ce que Dieu veut? Et vous kuna hakikisho ya kwamba ndio ile Mungu anataka? Si tu es réellement convaincu. Kama hakika huko na hakikisho. Sois concerné. Hii mambo ikuelekee iko yako. Sois concerné. Hii mambo iko yako. Beaucoup ne sont pas concernés puis ils ne sont pas convaincus. Ba mingi mambo haina yabo juu ya ibeleke ya na hakikisho. Yeyote ule kuna Kikisho, hii mambo inakuwa yake. Ce que Dieu veut. Kile Mungu anapenda. C'est votre sanctification. Ni utakaso yenu. J'aime ça. Mimi naipenda sana. Je suis convaincu de ça. Ni kuna hakikisho ya yeye. Ce que Dieu veut. Kile Mungu anapenda. C'est votre sanctification. Ni utakaso yetu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Bila kujitoa kwa tamaa ya mno. Dieu veut voir même nos corps dans la sainteté. Mungu anapenda kuona hata mili yetu katika utakatifu. Et l'honnêteté. Na uhaki. D'autres traditions disent Dieu veut nous voir même en faisant le choix de l'épouse dans la sainteté. Mungu anapenda kutuona mkuchagua bibi. Tout dans la sainteté. Vyote katika utakatifu. Tout le courant du monde. Inje ya mwenendo ya dunia. Nous ne vivons pas selon le monde. Nous avons un rythme qui est différent du rythme de ce monde. Notre rythme, c'est la parole de Dieu. Dieu veut vous voir. Mungu anapenda kumiona. Même vos corps. Ata mili zenu. Dans la sainteté. Katika utakatifu. Et l'honnêteté. Na uwaki. Verset 5. Mstari ya 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Bila kujitoa kwa tamaa ya mno. Comme font les païens. Vile wapagano wako na païens. Qui ne connaissent pas Dieu. Basipo kumjua Mungu. Les païens font ces choses. Wapagano wanafanya hivi. Qui ne connaissent pas Dieu. Kwani bao abamjue Mungu. Mais toi. Lakini weye. Tu connais Dieu. Unamjua Mungu. Et non seulement tu le connais. Aumjue tu bure. Tu as cru en lui. Ulimwamini tena. Et non seulement tu as cru en lui, tu es la fiancée de l'agneau. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ce que personne ya kwamba kusikwe mutu, nise envers son frère de fraude ashimuibie nduku yake, et de cupidité dans les affaires ashikwe na tamaa ya fedha, parce que wani? Le Seigneur Bwana tire vengeance de toutes ces choses. Et qu'on a lipiza, malipizi mwibi bitu biote. Comme nous vous l'avons déjà dit. Paka vile tuisha miambia bio. Et attesté. Na kumiakikishia bio. Nous vous l'avons déjà dit. Tunesha miambia bio. Et attesté. Na tunesha miakikishia bio. Car Dieu. Wani Mungu. Ne nous a pas appelé l'impiété. Asikutuita kuchafu, mais à la sanctification. Alakini alituita juu ya kubutakatifu. Frère, tu comprends pourquoi Dieu t'a appelé? Nduku unaelewa juu nini Mungu alikuita? Frère, tu comprends pourquoi Dieu t'a appelé? Na unaelewa juu nini Mungu alikuita? Dieu ne t'a même pas appelé ici pour justifier tes erreurs. Mungu asikuita juu hesabu yako makosa yako. Tu commets des graves fautes exotes, frère, nous sommes tous faibles. Unakotola bana kusubutisha, unaleta masababu. Tuko dhaifu sisi wote. C'est ça aussi ma faiblesse. Hiyo udhaifu yako. On n'a pas besoin de ta faiblesse. Hatuhitaji udhaifu wako. C'est que Dieu veut. Ile Mungu anataka. C'est pas ta faiblesse. Haina udhaifu yako. C'est que Dieu veut. Ile Mungu anataka. C'est votre sanctification. Ni utakaso yako. Ne nous distrait pas, nous disant tes faiblesses. Apana kutulenga misha mkutonesha mabuzaifu yako. Dieu veut ta sanctification. Mungu anapenda mutakatifu yako. Tu dois être convaincu. Unapaswa kuwa na kitisho. Na hii mambo kuelekea wewe. Tu dois te mettre au travail. Unapaswa kutumika. Tu ne dois pas prendre ça et jeter à quelqu'un d'autre. Haupaswi kubeba hii mambo. Utupie hiyo mtu mwingine ni yako. C'est toi que Dieu veut voir ça. Ni wewe ndio Mungu anapenda aone mtakatifu. C'est toi que Dieu veut voir consacré. Ni wewe Mungu anapenda aone unajitoa. Amen. Amina. Ce que Dieu veut. Ile Mungu anataka. Mapenzi yake ni utakaso yenu. Amen. Amina. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mungu asikutuite juu ya kuchafu. Mais à la sanctification. Alakini alituita juu tukue batakatifu. Écoutez maintenant la vêtissement. Musike sasa ukalamusho. C'est lui donc. Ule basi. Qui rejette ses préceptes. Ule anakatali maagizo. Ne rejette pas un homme. Asimukatale mutu. Mais Dieu, alakini anamkatala ni Mungu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Wala alimpatia pia Roho Mtakatifu yake. Nduku, ça c'est sérieux hein. Hii ni hakika ya nguvu. Ya kubeba. C'est lui qui rejette ses préceptes. Wala nakatali maagizo. Ses préceptes, maagizo hii, masheria. Il ne rejette pas un homme. Asimkatale mtu. Si tu rejettes ça, tu ne nous embrouilles pas. Kama unaikatala, utuzuru sisi. Titambrui toi-même. Unajizuru wewe mwenyewe. Tu ne nous bloques pas. Autusimamishe. Tu ne bloques même pas la marche de l'église. Autusimamisha ta safari ya kanisa. Yeah, avance sans arrêt avec le croyant. Mungu wako naendelea na baminifu. L'incrédulité. Utakuamini. Détruit l'incrédulité. Huku na muharibu wa kutokuamini. Hakuwezi kumsimamisha Mungu. Même si toi tu rejettes la parole. Hata kama ukikatala neno la Mungu. Déterminer toi-même. Unajaribu mwenyewe. Tu te mets dans tes problèmes toi-même. Unajiweka katika mambo wewe mwenyewe. Tu te bloques toi-même. Unajisimamisha mwenyewe, unajifunga. Tu t'arrêtes toi-même. Unajisimamisha ujifunga mwenyewe. Hauwezi kumsimamisha Mungu. Que l'église comprend. Eti kanisa inaelewa. Hebre. Wa Ebrania. Ah, ah, ah, ah. Oh, Hebre. Wa Ebrania. Hebre. Wa Ebrania. Hebre chapitre. Wa Ebrania sura yake. Hebre. Wa Ebrania. Hébreux chapitre 12. Wa Ibrania sura yake ya 12. Verset 14. Mstari ya 14. Recherchez la paix avec tous. Tafutisheni salama na watu wote. Quand Dieu dit avec tous, ça signifie avec tous. Kama Mungu anasema na watu wote, manake na watu wote. Avec tes voisins. Na wajirani zako. Avec tes frères. Na wanduku zako. Avec ceux qui te haïssent. Na wale wanakuchukia. Avec ceux qui t'aiment. Na wale wanakupenda. Avec ceux qui adorent avec toi. Na wale wanabudu avec pamoja nawe. Avec ceux qui n'adorent pas avec toi. Na wale wabudu pamoja nawe. Quand Dieu dit rechercher la paix avec tous. Wakati Mungu anasema tafutisheni salama na watu wote. Avec tous. Manake na watu wote. Rechercher la paix avec tous. Tafuteni salama na watu wote. Et la sanctification. Na utakaso. Sans laquelle, bila yayo, personne ne verra le Seigneur. Hakuna mutu ula atamuona Bwana. Frère, nduku, si vous voulez voir le Seigneur, kama unapenda kumuona Bwana, sanctifiez-vous. Ujitakase. Sans la sanctification. Bila utakaso. Personne ne verra le Seigneur. Hakuna mutu ula atamuona Bwana. Tu ne vas pas voir le Seigneur puisque tu as fait longtemps à l'église. Ah ouais, comme on a bon à jour, on a gawiya munda mrefu mkanisa. Tu ne vas même pas voir le Seigneur puisque tu as beaucoup prêché. Ah, ta mona bon à jour, on a ubiri sana. Sans la sanctification, la utakaso. Personne ne verra le Seigneur. Hakuna mutu la ta mona bwana. Amen. Amina. Veilleux, mukeshe basi à ce que. Ya kwamba nile ne se prive de la grâce de Dieu. Siko moyo wa kujinyimia neema ya Mungu. Aseko kine racine d'amertume. Kusikwa tamu zizi moyo ya uchungu. Pousa de rejeton. Yenye kuchipuka ne produise du trouble. Ishilete muzozo mvuruko. Et que plusieurs n'en soient infectés. Na ba mingi bashambukize nayo. Mukeshe. Frère, nduku. Veillez, mukeshe. Sœur, dada, veillez, mukeshe. Contrôle ta propre vie. Angalishisha maisha yako. Ta propre vie. Maisha yako mwenyewe. Sois dur envers toi-même. Ukwe wa nguvu nguvu na wewe mwenyewe. Il est facile d'accuser les autres. Ni mwepesi kustaki bengine. Il est facile de voir les fautes des autres. Ni mwepesi kuona makosa ya watu wengine. Mais combien s'arrêtent pour chercher leurs propres erreurs? Banga pive kona simama njoo kutafuta makosa yao wenyewe. C'est facile si on vous disait qu'il y a une faute contre l'autre ici. Vous allez vous lever. Ni mwepesi kuona ni nani ako na kosa ya mtu fulani. Kaoni. Wakani wakati wakiuliza. Bakisema makosa yako mwenyewe. Combien se contrôle? Banga pive wanajunguza na kujunguza. Bangapi wako na ugua? Abo, tout le monde est calme. Watu wote wanaikala kimya. Eh, faut dire amen. Napashi kusema amina. Faut dire amen. Napashi kusema amina. Amen. Amen. Faut dire amen. Napashi kuitikia na amina. C'est la parole. Kama ni neno la Mungu. Il faut veiller. Napashi kukesha. Quand tu commets des actes. Wakati unatenda matendo. Avant de commettre, pose-toi la question. Mbele ya wewe kutenda tendo juu. Est-ce que quelqu'un d'autre ne sera pas affecté? Eti mui tendo, hakuna mtu mwingine atambukizwa? En fait que plus bien n'en soit pas infecté. Juga mingi washambukizwe. Ne faites pas les gens. Ushambukize watu. Quand vous parlez, wakati ile kunasema, posez-vous la question. Ujiulize kwanza ulizo. Celui qui entendra ça, il dira quoi? Ula atasikia maneno haya, atasema nini? Est-ce qu'il ne sera pas infecté? Eti asiwezi kuambukizwa? Est-ce qu'il ne sera pas découragé? Eti hawezi kulekeshwa? Sir, dada, même quand vous vous promenez à Dela, hata wakati mnatembea wawili, vous commencez à critiquer celui qui n'est pas à côté de vous. Unaanza kumbeula ule ana pembeni na wewe. Arrêtez-vous un peu, posez-vous la question. Usimame kwanza na mujiulize. Si notre sœur l'apprenait. Kama dada yetu akisikia maneno haya. Qu'est-ce qui arrivera? Ni nini ile tafika? Si elle nous surprenait. Kama kitushi. Est-ce que nous allons continuer à parler? Eti tutaendelea kumuteta? Si Jésus venait, kama Yesu akikuja, comme il a apparu au milieu de ses disciples, bila alionekana katikati ya wanafunzi wake, Marc 9, Mumako, il pose la question, de quoi discutez-vous? Akauliza, munabishana bitu gani? Personne n'a su le répondre. Hakuna mtu aliyeweza kumjibia. S'il vient dans votre conversation, kama akikuja maongezi yenu, de quoi parliez-vous? Akamuuliza, munaongea pa bitu gani? Est-ce que tu vas l'expliquer avec joie? Utamufasilia na furaha? On critiquait la sœur. Tu vas dire ça au Seigneur? Pourquoi na mbeula dada? Utamwambia Bwana? Veillez, mukeshe. Il faut être dur envers toi-même. Il n'a pas ce qu'on gouffre, kwa ajili yako wewe mwenyewe. Envers ta vie. Kwa ajili ya maisha yako. Si tu négliges, c'est toi qui vas rater l'enlèvement. Kama ukisula, wewe ndio utakosa kunyanyuliwa. Même à Pierre, le Seigneur a dit. Hata kwa Petro, Bwana alisema. Sois d'abord affermi. Ujitue kwanza moyo, kwe na nguvu kwanza. Lorsque tu seras affermi. Wakati ule utakuwa na imara. Tu sauras convertir tes frères. Utaweza ubadilisha sasa bandugu zako. Toi-même, tu n'es pas converti. Tu vas aider qui? Wewe mwenyewe uyabadilika, utasaidia nani? Un papa irresponsable. Baba wasipokuwa na buzito ya baba. Tu reviens chez toi à 22h. Kila siku. Tu passes la soirée où? Unafika kwako 22h, unapitisha magharibi yote wapi? Tu reviens du travail. Unatokea kwa kazi? Quel travail que vous travaillez jusqu'à 22h? Ni kazi kanu natumika hadi 22h. 0h. Na 0h. Tu débarques dans la maison comme un voleur. Unatokelea mnyumba kwa mwizi. Ala fenêtre, chérie. Papa dirisha unakokona. Tuyete umu. Ulikuwa wapi kote huku? Cela tu n'es pas dit. Ah, una wangu. Tu vois c'est normal. Unaona tu iku mzuri, iku sawa. Il y a même les gens ici. Kukubato hata hapa. S'il n'a pas encore menti, il n'est pas à l'aise. Kama ashia danganya, ashia landa. Même ce qui est clair, il cherche les arguments pour mentir. Hata vyenye kwa tu bia wazi, antafuta misemu juu apate kulanda. Même ce qui se voit, c'est clair. Hata bile vinaonekana tu wazi wazi viku vya wazi. Tu veux mentir. Unapenda paka ulandepo. Fort probable même. Hakika zaidi tu. Vous mentez aux gens. Unalongofi, unalanda kwa mtu. Serviteur de Dieu. Unalanda kwa mtu. Qui vous écoute pour vous aider. Bale weko na kusikia juba kusaidie. Tu as eu le problème avec une sœur. Ulipata mambo na dada mwa fulani. Tu as eu le problème avec ton mari. Ulizongana na bwana yako. Toi tu penses que le pasteur n'a pas une belle femme. Unazania sema pasteur ana na mke mzuri. Il n'a pas besoin de passer son temps avec sa femme. Ana naena wakati ya kupitisha na mke wake. Tout le monde qui t'ici rentre à la maison. Batu bote banatoka banendo milango. Le pasteur te reçoit pour t'aider. Pasteur anakupokea juu akusaidie. Tu as déjà commis des fautes. Unesha kutola. Tu ne t'es pas aidé toi-même. Au kusaidie mwenyewe. Basi kwa kujua kusaidie. Lakini unamulanda unamlongofia. Est-ce que tu comprends? Eh, tu kunaelewa? Vous risquez de mourir. Unawezi kufa. C'est facile de condamner Anania et Saphira. Ni mwepesi kumhukumu Anania na Saphira. Oh, ils avaient menti au Saint-Esprit. Bali la ngofe ya Roho Mtakatifu. Ya ki mando Saint-Esprit. Hata leo kuva mtu mko na longofe ya Roho Mtakatifu. Ni kongele andre de mandi. Na mwangalia tu hivi, wewe una longofe tena na kucheka. Soyez convaincu. Muwe na kikisho. Nous ne sommes pas dans l'aventure. Nous sommes dans la parole de Dieu. Soyez convaincus. Soyez sérieux. Même quand nous sommes ici, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Mungu est kwapo. Même quand nous travaillons. Hata wakati tunatumika. Je vais revenir sur Hébreux. Tarudia kwa Ibrahim. Alors. Dans 2 Corinthiens, écoutez, quand nous travaillons, 2 Corinthiens 6, verset 1, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, même quand nous travaillons, frère, nous travaillons avec Dieu. Alléluia! Amen. Même quand nous prêchons ici, nous travaillons avec Dieu. Quand le diacre vous écoute, il travaille avec Dieu. Quand le berger vous juge, il travaille avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Ukicheza, unacheza na Mungu. Et ça ne sera pas bénéfique pour vous. Haitakuwa faida. Personne n'a jamais joué avec Dieu réussi. Hakuna mtu aisha. Oh, ne se moque pas de Dieu. Hawa mchekele yake Mungu. Soyez convaincu de ces choses. Uwe na hakikisho ya ile maneno. Comprenez la véracité de ces choses. Uelewe uhakika ya kitu. Dieu ne joue pas. Mungu achezake. Ne jouez pas aussi. Na wewe pia usicheze. Dieu ne joue pas. Mungu asicheze. Ne jouez pas aussi. Na wewe pia usicheze. Puisque Dieu ne vous a pas appelé pour jouer. Bani Mungu asikuite juu ufanye michezo. Toi tu penses que Dieu t'a appelé si pour commencer à escroquer les gens. Et tu nawazia Mungu alikuita hapa juu anze kuibia. Dieu t'a appelé. Mungu alikuita pour ta sanctification. Mungu alikuita juu ya utakaso yako. Tu penses que Dieu peut t'appeler pour commencer à mentir. Et si Mungu anaweza kuita juu anze kulongofia. C'est dada. Toi, Dieu t'a appelé pour critiquer. Ouais, Mungu alikuita juu upate kwanza kubeula watu. Dieu t'a appelé pour le commérage. Mungu alikuita juu akabwabwa mashimbo. Si tu veux parler d'une autre sœur. Kama unapenda kusemea dada mwingine. Cherche un bon témoignage. Utafute ushuda mzuri. Parle de son bon témoignage. Usemee kuhusu ushuda yake mzuri. Puisque nous travaillons avec Dieu. Wani tuko natumika pamoja na Mungu. Nous vous exhortons. Tunamisubutisha. Nous vous exhortons. Tunamisubutisha. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Musipoke neema ya Mungu kwa bure bure. Nous vous exhortons. Tunamisubutisha. Frère. Nduku. Beaucoup de gens ratent Dieu. Batu mingi beko na mukosa Mungu. Puisqu'il le cherche dans des grandes choses. Wani beko na mutafuta mubitu bikubwa bikubwa. Dieu lui. Mungu yeye. Il se cache. Eko na jificha. Il se révèle. Eko na jifunua. Il agit. Anatenda. Dans la simplicité. Katika unyenyekevu. Vous pensez que pour que Dieu vous parle. Unawazia Mungu pa yeye kuambia. Il faut qu'il vous amène ici un homme qui a quatre têtes. Na pacha milete mutu mwenye kwa na bichwa inne. Na ka il parle ici c'est l'anglais, ici c'est le français, ici c'est le chinois, en tout cas Dieu a parlé. Asemba hakika Mungu anasema. Vous pensez que pour que Dieu vous parle? Jua Mungu asemezane na mwe. Il faut qu'il envoie un ange ici. Na pacha tume malaika hapa. Dieu, Mungu, même pour sauver. Hata Dieu akuokoa. Il a choisi des hommes alichagua watu qui peuvent s'abandonner à lui. Bale wanawezi kujachilia kwake. Être soumis à l'onction qui les rend fort. Na kutii kupako yenye avant de sauver les gens. Il y a baokoa batu. La folie de la prédication. Kupitia bazimu ya mahubiri. C'est la folie. Ni bazimu. Quand vous devenez sage. Wakati unakuwa wa hekima. Vous allez rater ça. Utaikosa. Mais il faut être saisi n'a pas chouché dans la présence de Dieu. Entrez dans l'esprit Ndiamulo. Et Dieu va vous aider. Na Mungu atamsaidia. Nous vous exhortons. Tuna misubutisha. À ne pas recevoir la grâce de Dieu. Mushipoke neema ya Mungu. Amen. Wabure. Amen. Amina. Nous vous exhortons. Tuna misubutisha. Frère, nous vous exhortons. Duku tunamisubutisha. Retournons à l'hébreu. Turudie mu Hebrania. Vous comprenez que nous travaillons avec Dieu. Munaelewa kwamba tunatumika pamoja na Mungu. Mimi si Dieu là. Hata hapa Mungu yuko hapo. Dieu là. Mungu yuko hapo. Il agit. Et on attenda. Il travaille. Et on atumika. Il guérit. Anaponya. Il délivre. Anakomboa. Ici, au même moment ici. Wakati moja moja hii. Dieu est en train de t'aider. Mungu yuko anakusaidia. Ici. Hapa. En t'aidant, il est en train de guérir les autres. Mungu saidia yuko anaponya wengine. En train de délivrer les autres. Na kukomboa wengine. En train de tuer les autres. Na kuua wengine. Pour qu'ils soient nés de nouveau. Tu wapate kuzaliwa mara ya pili. Au même moment. Wakati moja les autres en train de les remplir du Saint-Esprit. Wengine anawajaza na Roho Mtakatifu. Sont les négligés qui ne vont pas voir. Mais ceux qui sont connectés à Dieu. Ils sont saisis par l'action de Dieu. Vous êtes convaincus de ces choses. Soyez concernés. Il s'agit d'être convaincu. Et concerné. Amen. Amina. Hébreux 12. Waibrania 12. On était au verset 16, je crois. Mstari ya 16. Plusieurs n'en soient infectés. Ba mingi ba shambukizwe. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique. Mukeshe ya kwamba kusikue wala muzinifu. Ni profane. Wala mujinga. Comme Esaou. Sawa Esaou. Qui pour un mec vendit son droit de naissance. Ule kwa ajili tu ya chakula aliuzisha halali ya buzaliwa wake bwana. Vous savez que mnajua ya kwamba plus tard kisha voulant obtenir la bénédiction alitafuta pokee baraka il fut rejeté alikataliwa quoi qu'il la sollicita avec larmes. Hata vile aliomba na machozi. Car wani sore panti kutubu kwake ne peut avoir aucun effet. Aikukue na matoke hata moja. Frère, nduku, Dieu est sérieux. Mungu anabeba vitu na roho. C'est maintenant que Dieu est en train de pardonner. Jo hapa Mungu angali na samehe. C'est maintenant qu'il est en train de vous aider. Ni hapa sasa Mungu yuko nasaidia. C'est pour cela qu'il dit. Jo kwa maana aujourd'hui, leo hii, si vous entendez sa voix, ukisikia sauti yake, nandi si c'est pas vous. Usifanye moyo wako kwa mugumu. Frère, nduku, Dieu a constitué sa parole. Mungu alitunga neno lake. De manière que namna ya kusema. Lorsqu'il l'envoie. Wakati anaituma. Elle ne retourne jamais à lui. Airudi yake kama kwake. Sans effet. Bila matokeo. C'est pour quand Dieu te parle. Quand Dieu te touche. Mungu anakugusa. Ne néglige pas. Ushisule. C'est le moment de lui parler aussi. Je vois quand il n'avait rien commencé. Le Seigneur tu m'as parlé par ta parole. Wana on a semezé na kupitia neno. Tu as déjà dit. Unesha sema. Sans moi. Bila mie. Vous ne pouvez rien. Amutaweza kitu. Je viens pour que tu me changes. Na kuja juu unibadilishe. Atakubadilisha. Avant que la parole ne retourne. Parlez à Dieu. Bele aneno kurudie wewe umwambie Mungu. Faites-le convaincu. Inapashi kuona hakikisho. Ma sœur. dada yangu, mwenye kuwa na hakikisho na ile mambo inakuwa yake, convaincu, mwenye kuwa na hakikisho. Jean était convaincu, Yohane alikuwa na hakikisho, il y a quelqu'un qui va venir, ya kwamba ku mtu atende le signe, alikuwa anachunga alama, il la vie na aliona. Frère, quand Daniel était convaincu, duku wakati Daniel alikuwa na hakikisho, il n'a plus joué, asikucheze tena mchezo. Il a lu le prophète Jérémie, alisoma nabii Yeremia, il a compris qu'il n'y avait plus du temps, alielewa kwamba kuna tena wakati, il a compris que c'était terminé, alielewa kwamba kuna kulimalizika. Daniel était convaincu, Daniel alikuwa na hakikisho, il n'a même pas vu qu'il était à Babylone, asikujua tasema alikuwa Babeli. Il a commencé à prier, akaanza kuomba, il était sérieux, alichukua vitu na yote, na ile mambo ilikuwa yake, mwenye kwa na hakikisho, mwenye alikuwa naomba, reclama l'accomplissement de la promesse, kutimilika kwa malako. Il a jeûné, il a veillé, alifunga chakula, il a prié pour lui-même, il a prié pour l'église, nakombea kanisa, pour la montagne sainte, kuombea mlima takatifu, pour les rois, pour les prophètes, kuombea manabii, pour tous les peuples, kuombea taifa yote mzima. Il était concerné, ile mambo ilikuwa yake. Est-ce que toi aussi tu es concerné? Et tu n'as pas ma sœur, est-ce que tu es concerné? Dada yangu, eti maneno ni yako? Tu connais que Jésus peut venir même ce soir? Et tu unajua Yesu anaweza kuja hata magharibi ya leo? Et s'il venait ce soir? Sasa kama akikuja magharibi ya leo? Tu vas aller, tu vas rester. Utaenda wala utabakia. Tu dois répondre à cette question. Unapaswa kujibia kwa maneno dont tu te vois. Namna ile unajiona. La manière dont tu vis. Si le Seigneur venait ce soir, kama Bwana akikuja magharibi ya leo, tu vas aller, tu vas rester. Utaenda wala utabakia. Êtes-vous convaincu que l'enlèvement aura lieu? Et tu unahakikishwa kwamba kunyanyuliwa. Mais soyez concernés. Hii mambo iko yako. Soyez concernés. Mambo hii iko yako. Agissez en conséquence. Utende kufatana na hiyo. Frère, duku, êtes-vous convaincu que et tu kuna hakikisho ya kwamba rien n'est impossible à Dieu? Hakuna kitu asipowezekana mbele ya Mungu. Es-tu convaincu? Et tu kuna hakikisho? Ne doute de rien. Ushishakie kitu. Écoutez comment il dit. Musikilize namna kani anasema. Ah, on n'a pas pu terminer le temps de chasse ici. Ah, atumalize wakati nalifukuza. Mwanjo. Dans Psaume. Ah, niko nasoma Mzaburi. Psaume 103. Zaburi, écoutez ce que Dieu a dit. Musikie kile Mungu alisema. Psaume 103. Zaburi 103. Verset 3. Mstari ya 3. Si on passe au verset premier, il parle: mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui sont à moi bénissent son Seigneur. Nafsi yangu barikiwe wa menene yote. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nafsi yangu ubariki wa milele, usisahau matendo yake mema. C'est lui. Ni yeye. Qui pardonne toutes tes iniquités. Il n'y a aucune iniquité que Dieu ne peut pas pardonner. Êtes-vous convaincu de cela? Ne cachez pas les iniquités. Amenez ça à Dieu. Il va vous pardonner. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Magonjwa yako yote. Est-ce que ce qui te dérange c'est une maladie? Et ile kuna kuzuri ni magonjwa? Est-ce que ça s'appelle maladie? Et ti banaita sema magonjwa. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Yeye ndiye anakuponya na magonjwa yako. Es-tu convaincu? Et tu kuna hakikisho? Sois concerné. Kumbi maneno iko yako. Je suis si guéri. Na utoke hapo mwenye kutunzwa. Active la foi. Lève-toi. Unamusha imani usimame. Es-tu convaincu? Et tu kuna hakikisho? Celui qui guérit toutes tes maladies. Ya kwamba yeye ndiye anakutunza magonjwa yako yote. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Hakuna magonjwa hata moyo ile Mungu hawezi kuponya. Je ne l'ai jamais vu. Si ya yonaka. Je ne connais pas cette maladie là. Si jue ile magonjwa ile. Soyez convaincu. Uko na hakikisho. Soyez concerné. Na hii maneno iko yako. Même si les médecins ont écrit que tu ne guériras jamais. Hata kama waganga wanasema wao utatumika. On a dit que c'est probable que tu vives 6 mois. Wanasema inawezekana uishi tu miaka 6 tu. Selon ce qu'ils ont appris à l'école. Kufuatana na ile walijifunza kwa masomo. Ils ont raison. Ndiko na sheria. Mais selon la parole de Dieu. Lakini ufuatana na neno la Mungu. Ils n'ont pas raison. Habana na sheria. Pourquoi? Juu ya nini? Car. Kwani? Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu va te guérir, c'est possible. Tu vas quitter ici guéri. Dieu n'a jamais déçu aucun croyant. Même ceux qui étaient enfermés dans la prison, Jésus les a libérés. Ils sont sortis. C'est une preuve qu'aucun démon ne peut pas nous intimider. Jésus a tout vaincu. Yesu anesha wina yote. Même ceux qui étaient jetés dans la fournaise. Hata wale walitupa tanuru ya moto. Une fournaise ardente. Tanuru ya moto ya nguvu. Chauffé sept fois. Wanaongeza moto. On a jeté Meshach, Shadrach, Abednego. Alitupamo Shadrach, Meshach, Abednego. La flamme du feu. Ile nguzo ya moto. A tué ceux qui les avaient jetés. Ili uwa bale walitupa. Mais ceux qui étaient jetés dedans. Lakini bale walitupa mule ndani. Ils sont pas morts. Aba ukufe bana. Pourquoi? Ils avaient mis leur confiance en Dieu. Waliweka matumaini yabo ndani. Confiez-vous à l'Éternel. Mutumaini wa Mungu. Il agira. Il vous relèvera. Il vous guérira. Alléluia. Amen. Êtes-vous convaincu? Êtes-vous kuna kikisho? Combien sont malades? Bagonjwa ni bangapi? Mettez-vous debout. Musimame boima. Peu importe la maladie qui te dérange. Aizuru magonjwa ile nakuzuru. Mettez-vous debout. Musimame tu boima paka pale huko. Mettez-vous debout là aussi. Musimame boima paka pale huko. Nous sommes convaincus. Sisi tuko na hakikisho. Et concerné. Na imaneno na kwa yetu. La guérison est pour nous. Utunzo ni yetu. Ce n'est pas pour les gens que nous lisons dans la Bible. Aina ya baba tutuku na somo Biblia pana. C'est pour nous qui croyons. Ni yetu sisi benye kuamini. Ce que nous lisons dans la Bible, ce sont des témoignages. Ni maushuda. Maintenant nous aussi, sasa na sisi, comme nous croyons, nous allons aussi témoigner. Na sisi tutashuhudia. Tout est possible à Dieu. Yote nawezekana kwa Mungu. Frère, nduku. Dieu appelle même les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Mungu naita vitu vya sipo kuwa. Dieu donne même la vie aux morts. Ewa naleta buzima obafu. C'est Dieu qui secoue. Ni Mungu ndiye anasaidia. C'est Dieu qui délivre. Mungu ndiye anakomboa. Ne doutez pas. Mushishakie. Tes douleurs là dans la hanche. Maumivu yako mkiuno hivi. Maintenant c'est en train de partir. Inaanza sasa kuenda. Tu peux l'expérimenter. Unawezi kuiona. Tu vas sentir qu'il n'y a plus de douleur. Utasikia kwamba kutakuwa tena maumivu. Toutes les maladies, nous avons un Dieu qui nous guérit de ça. Kuna Mungu leko natuponya na ile magonjwa yote. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Par ta parole qui nous a parlé. Kwa neno lako nasemezana nasi. Comme nous croyons Seigneur. Bila tunaamini Bwana. Nous voici debout. Shiaba tunasimama Bwana. Tu as donné des promesses. Uleta malako. Tes promesses sont vraies. Malako yako ni ya kweli. Tes promesses sont oui. Te bonjour, amène-le. Amina. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lève-toi au milieu de nous. Katikati yetu. Lève-toi avec autorité. Na lève-toi avec puissance. Na uwezo. Marche dans la salle. Tembea mchumba. Saisis mon frère. Ushike nduku. Saisis ma soeur. Ushike dada. Ôte les douleurs dans le corps. Ondosha maumivu. Ôte les maladies dans le corps. Ondosha magonjwa mumivu. Guéris le Seigneur. Uwaponye Bwana. De la guérison divine. Na utunzo wa kimungu. De la guérison immédiate. Qu'ils ouvrent la bouche. Non pas pour parler de quoi ils souffrent. Mais pour témoigner. Comment tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Descends Seigneur. Transforme. Délivre. Change. Et accorde le Saint-Esprit à ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Tu as une puissance de transformation. Ne laisse pas cette parole retourner à toi. Sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'as envoyé. Laisse que quel effet soit visible. Que les résultats soient réels. À moi, à mon frère, à ma soeur, qui est le résultat. Aide-nous Seigneur. Agis avec autorité. Agis avec puissance. puissance. Agis comme tu n'as jamais agi. Suscite la foi. La foi glorieuse. La foi victorieuse. La foi qui s'élève au-delà des douleurs. La foi qui s'élève au-delà des circonstances. La foi qui s'élève au-delà de tout. Et qui embrasse tout. Embrasse tout, Seigneur. Et laisse que ta parole trouve place. Laisse que ton nom soit glorifié. Gloire et honneur te soient rendus à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Hein? Amen. N'est-il pas merveilleux? Vous connaissez ça? Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.